toute pénétration humaine à ses limites. Avec quelque exactitude que le capitaine Reig se fût dirigé jusqu'alors, sa subtile perspicacité se trouvait elle-même en défaut pour le moment. Il acheva son cigare avec cette mortifiante conviction qu'il n'était nullement en mesure de deviner, et par conséquent de paralyser la prochaine manœuvre de Mrs. LeCount. Dans une pareille difficulté, son expérience lui conseillait un moyen de salut, un moyen à peu près unique. Il résolut d'essayer sur la femme de charge l'effet embarrassant d'un complet changement de tactique avant qu'elle ait eu le temps de mettre à profit ses avantages en l'attaquant dans les ténèbres où il était. Cette idée en tête, il envoya la domestique prier Miss Bygrave de vouloir bien lui parler. « J'espère ne vous avoir pas dérangé, » dit le capitaine lorsque Magdalene entra dans le salon. « Acceptez mes excuses pour cette odeur de tabac et souffrez quelques mots d'explication au sujet de la marche que nous allons adopter. Pour garder avec vous ma franchise habituelle, je vous avouerai que Mrs. LeCount m'intrigue et je voudrais bien l'intriguer à mon tour. Dans ce but, je propose un moyen des plus simples. J'ai déjà eu l'honneur de vous donner un accès nerveux des plus graves, et je vous demande la permission, lorsque Mr. Noel Vanstone enverra demain aux nouvelles, d'ajouter à cette liberté que j'ai pris celle de vous aliter complètement. Question venue de Sea View Cottage. Comment va ce matin, Miss Bygrave? Réponse de North Shingles. Beaucoup plus mal. Miss Bygrave est retenue dans sa chambre. Chaque jour, la question se renouvelle, peut-être pendant une quinzaine. « Comment se porte Miss Bygrave ?»« Pendant ce tout-là, s'il le faut, même réponse. Elle ne va pas mieux. »« Pourrez-vous supporter la réclusion ?»« Je ne vois pas pourquoi, le matin en vous levant ou le soir en vous couchant, vous ne respireriez pas quelque peu l'air du Nord. Mais tout le reste de la journée, je ne puis vous le dissimuler. Vous devrez vous ranger dans la même catégorie que Mrs. Reig. Vous devez strictement garder la chambre. » « À quelle intention m'assignez-vous cette ligne de conduite ?» demanda Magdalene. « Mon intention est double, » répondit le capitaine. « Je rougis de me trouver si stupide, mais le fait est que je ne sais pas trop bien ce que va être la prochaine démarche de Mrs. LeCount. Une seule chose m'est démontrée, c'est qu'elle compte faire une autre tentative pour ouvrir à la vérité les yeux de son maître. Quel que soit le moyen qu'elle puisse employer pour constater votre identité, il lui sera indispensable, afin d'en arriver là, de conserver avec vous des rapports personnels. Fort bien. Si j'empêche ces rapports, j'embarrasse sa marche dès le début. Je lui force la main, comme on dit aux cartes. Comprenez-vous ? Magdalene comprenait fort bien. Le capitaine continua. Ma seconde raison pour vous enfermer ici, reprit-il, est uniquement relative au maître de Mrs. LeCount. L'amour croit, à certains égards, ma chère enfant, dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Les obstacles le développent et le font s'épanouir. Nous commençons par faire goûter à Mr. Noel Vanstone tous les charmes de votre société. Puis nous le désolons en la lui retirant tout à coup. Sans notre situation actuelle vis-à-vis de Mrs. LeCount et les périls que cette situation peut recéler, j'aurais proposé quelques entrevues de plus, afin de rendre plus certain l'effet que nous voulons produire. Comme vont les choses, il faut nous contenter de la fascination que Mr. Vanstone a subie dans la journée d'hier, et tenter l'épreuve d'une brusque séparation un peu plus tôt que je ne l'aurais souhaité en d'autres circonstances. Vous ne verrez plus ce monsieur, mais je le verrai moi. Et s'il y a du côté de son cœur quelque petit endroit mis à vif, fiez-vous à moi pour y frapper d'une main experte. Vous êtes maintenant tout à fait au courant de mes vues. Prenez le temps de réfléchir, puis donnez-moi votre réponse par oui ou par non. « J'accepterai comme favorable, » dit Magdalene, « tout changement appelé à m'isoler de Mrs. LeCount et de son maître. Soit fait ainsi que vous le désirez. » Elle avait répondu jusqu'alors en personne lasse et qui se sent faible. Mais ces derniers mots furent dits à voix plus haute et avec un teint plus animé. Symptôme qu'avertirent le capitaine Reig de ne pas insister davantage. « Voilà qui va bien. » dit-il. Nous nous comprenons comme d'ordinaire. Je vois que vous êtes fatigué et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Il se leva pour aller ouvrir la porte, mais à mi-chemin s'arrêta et revenant sur ses pas. Laissez-moi, continua-t-il, tout régler avec la domestique. Vous ne pouvez non plus garder le lit d'une manière absolue. Il faudra s'assurer de la discrétion de cette fille chargée de répondre à la porte, sans toutefois, comme de juste, la mettre dans la confidence. Je me charge de lui faire comprendre qu'elle doit vous dire malade, absolument comme elle dirait que vous n'êtes pas chez vous, afin de ne pas admettre des visiteurs malvenus. Et maintenant, permettez-moi de vous ouvrir la porte. Ah, pardon, vous allez dans l'atelier de Mrs. Rager au lieu de rentrer chez vous. Je le sais, dit Magdalene. Je veux retirer Mrs. Rake de cette pièce, la moins habitable de la maison, et l'emmener là-haut avec moi, pour la soirée, pour toute la quinzaine. Le capitaine Rake la suivit dans la salle à manger et ferma prudemment la porte avant de reprendre la parole. Prétendriez-vous sérieusement vous infliger la société de ma femme pendant des semaines entières? Demanda-t-il tout étonné. Votre femme est la seule créature innocente qu'abrite ce toit coupable, s'écria-t-elle avec véhémence. Je dois et je veux la garder auprès de moi. Ne vous agitez pas, je vous prie, dit le capitaine. Prenez Mrs. Rake tant qu'il vous plaira. Je saurai fort bien me passer d'elle. Quand il eut ainsi abdiqué l'autre moitié de lui-même, il rentra discrètement au salon. Sexe faible, pensait le capitaine, frappant un petit coup sa tête bien avisée. Exiger de l'intelligence féminine un certain effort, et le caractère féminin se détend tout aussitôt. Cet effort auquel le capitaine faisait allusion n'était pas seulement imposé le même soir à l'intelligence féminine de North Shingles. L'intelligence féminine de Seaview y participait. Pendant près de 2 heures, Mrs. LeCount, assise à son bureau, écrivit, corrigea, recopia obstinément, avant d'avoir pu rédiger pour Miss Vanstone l'aînée une lettre qui répondit exactement à l'objet qu'elle avait en vue. Le brouillon finit cependant par la satisfaire, et la lettre, recopiée aussitôt de sa plus belle main, fut préparée pour la poste du jour suivant. Cette épître était tout simplement un chef-d'œuvre d'adresse. Après les premières phases d'introduction, la femme de charge informait directement Nora de cette visite qu'une personne déguisée avait faite à Vauxhall Walk, de la conversation qui avait alors eu lieu, et du soupçon conçu par Mrs. LeCount que la prétendue Miss Garth devait être, selon toute probabilité, Miss Vanstone, la cadette en propre personne. Jusque-là fidèle à la vérité, Mrs. LeCount ajoutait ensuite que son maître était armé de témoignages en vertu desquels il pouvait invoquer le secours des lois, qu'il savait à l'œuvre dans Aldborough même les artisans du complot tramé contre lui. S'il hésitait à prendre les mesures nécessaires pour sa protection, c'était par déférence pour les devoirs de famille et dans l'espoir que Miss Vanstone l'aînée, usant de son influence sur sa sœur, rendrait inutile d'en venir à de telles extrémités. Dans de telles circonstances, continuait la lettre, il fallait de prime abord arriver à bien constater l'identité de la visiteuse de Vauxhall Walk, car si la conjecture de Mrs. LeCount se trouvait fausse, et si l'on en venait à découvrir que la personne en question était une étrangère, Mr. Noel Vanstone était bien positivement résolu à commencer les poursuites nécessaires pour sa sûreté. Certains incidents dont Aldborough avait été le théâtre, et sur lesquels il était inutile d'insister, permettraient à Miss LeCount, avant peu de jours, de voir la personne suspecte, et cette fois, avec ses véritables dehors. Mais comme la femme de charge ne connaissait en aucune façon Miss Vanstone, la cadette, il était à désirer, bien évidemment, que l'affaire fût prise en main par quelques personnes mieux renseignées à cet égard. Si Miss Nora Vanstone se trouvait, par hasard, libre de venir en personne, passer quelques heures dans Aldborough, aurait-elle la bonté d'écrire pour s'annoncer? Mrs. LeCount, dans ce cas, lui répondrait pour fixer un jour. Si, d'autre part, Miss Nora Vanstone ne pouvait faire le voyage, Mrs. LeCount lui suggérait une réponse qui contiendrait la description la plus complète et, pour ainsi dire, le signalement personnel de sa sœur, qui mentionnerait les moindres signes particuliers existants sur son visage et sur ses mains, et qui, dans le cas où elle aurait écrit récemment, indiquerait l'adresse portée sur sa dernière lettre, à défaut le timbre de poste placé sur l'enveloppe. Aidé par de tels renseignements, Mrs. LeCount accepterait, dans l'intérêt même de la jeune égarée, la responsabilité des moyens à prendre pour constater secrètement son identité. Elle ne manquerait pas de communiquer immédiatement à Miss Vanstone l'aînée le résultat de cette enquête qui les intéressait toutes deux. La difficulté de faire passer cette lettre à sa véritable adresse n'embarrassa guère Mrs. LeCount. Se rappelant le nom de l'avocat qui, du temps de Michel Vanstone, avait défendu les intérêts des deux sœurs, elle adressa sa lettre à Miss Vanstone aux soins de Mr. Pendrill à Londres. Une seconde enveloppe, renfermant cette précieuse épître, portait le nom de l'avocat de Mr. Noel Vanstone et à l'intérieur une simple ligne par laquelle ce gentleman était requis d'expédier l'incluse au cabinet de Mr. Pendrill. Maintenant, pensait Mrs. LeCount, qui enfermait la lettre dans son bureau en se promettant de la mettre elle-même à la poste dès le lendemain, maintenant je la tiens, cette poupée. Le lendemain matin arriva la domestique de Sea View, chargée des compliments de son maître et demandant comment se trouvait Miss Bygrave. Le bulletin du capitaine Raig fut transmis exactement. Miss Bygrave était si souffrante qu'on l'avait condamnée à garder la chambre. Mr. Noel Vanstone, en recevant cette nouvelle, ressentit une anxiété qui lui fit prendre le parti de venir lui-même à North Shingles pendant sa promenade de l'après-midi. L'état de Miss Bygrave était toujours le même. Il demanda s'il pourrait être admis auprès de Mr. Bygrave. Le rusé capitaine était préparé à cette requête. Il pensait qu'un peu d'inquiétude, portant sur les nerfs de Mr. Noel Vanstone, n'aurait pas une mauvaise influence, et en conséquence il avait chargé la domestique de répondre, en cas de besoin, que Mr. Bygrave, hors d'état de voir personne, priait d'agréer ses excuses. Le second jour, même démarche pour avoir des nouvelles. Message le matin et, dans l'après-midi, visite de Mr. Noel Vanstone. La réponse du matin, relative à Magdalene, fut qu'elle éprouvait un léger mieux. La réponse de l'après-midi, relative au capitaine Raig, fut « Mr. Bygrave vient de sortir ». Ce soir-là, l'humeur de Mr. Noel Vanstone fut particulièrement variable, et la patience, le tact de Mrs. LeCount eurent fort à faire pour éviter toute occasion de conflit. Le troisième jour, le bulletin de la jeune malade fut moins consolant. Miss Bygrave allait encore bien mal et n'était pas en état de quitter le lit. La domestique, en rapportant ce message à Sea View, rencontra le facteur sur sa route et entra dans la salle à manger avec deux lettres adressées à Mrs. LeCount. La femme de charge reconnut immédiatement l'écriture de la première. C'était celle du médecin de Zurich qui soignait la maladie de son frère. Il annonçait que l'état du patient s'était amélioré dans les derniers jours, à ce point qu'on ne devait plus craindre pour sa vie. L'adresse de la seconde lettre était d'une écriture inconnue. Mrs. LeCount, en concluant que ce devait être la réponse de Miss Vanstone, attendit pour en prendre connaissance que la fin du déjeuner lui permit de se retirer chez elle. Là, elle ouvrit la lettre, regarda tout d'abord à la signature et en la lisant tressaillit quelque peu. Cette signature n'était point celle de Nora Vanstone, mais bien celle d'Harriet Garth. Miss Garth annonçait que Miss Vanstone l'aînée avait accepté 8 jours auparavant un emploi d'institutrice, sous la condition d'aller rejoindre la famille de son nouveau patron, laquelle résidait dans quelque temps dans le midi de la France, pour revenir ensuite en Angleterre, lorsque cette famille y rentrerait elle-même, et probablement après un délai de quelques semaines. Durant cette absence inévitable, Miss Vanstone avait autorisé Miss Garth à ouvrir toutes ses lettres, cette combinaison ayant principalement pour but de ne laisser sans prompte réponse aucune des communications qui pourraient lui être adressées par sa sœur. Miss Magdalene Vanstone n'avait pas écrit depuis la mi-juillet, époque où le timbre de sa lettre attestait qu'elle avait dû être mise à la poste à Londres même, dans le district de Lambeth, et sa sœur aînée était partie d'Angleterre, emportant sur son compte les plus vives inquiétudes. Cette explication donnée, Miss Garth ajoutait que, des circonstances de famille l'empêchant de partir en personne pour Aldborough, elle ne pourrait concourir à la réalisation du plan de Mrs. LeCount, mais elle possédait heureusement, dans la personne de Mr. Pendrill, un substitut bien plus apte qu'elle-même à remplir cet objet. Ce gentleman connaissait parfaitement Miss Magdalene Vanstone, et son expérience professionnelle, ainsi que sa discrétion éprouvée, rendraient son assistance doublement précieuse. Il voulait bien entreprendre le voyage d'Aldborough, aussitôt que sa présence y serait jugée nécessaire. Mais ces instants étant comptés, Miss Garth insistait spécialement pour qu'on évitât de le mander jusqu'à ce que Mrs. LeCount fût tout à fait sûre du jour où elle aurait à requérir ses services. Tout en proposant cet arrangement, Miss Garth regardait comme un devoir, ajoutait-elle, de n'en pas moins fournir à Mrs. LeCount le signalement écrit de Miss Vanstone, la cadette. Tel incident pourrait survenir qui ne laisserait pas à la femme de charge le temps de réclamer les services de Mr. Pendrill, et les intentions bienveillantes de Mr. Noel Vanstone envers la malheureuse enfant, qu'il traitait avec tant d'indulgence, pourraient se réaliser trop tard, si quelques difficultés imprévues ne permettaient pas d'établir, en temps utile, l'identité de Magdalene. Suivait le signalement, rédigé comme il devait l'être en pareille circonstance. Aucun détail n'y était omis qui pût servir à faire reconnaître Magdalene. Il y était question naturellement de ces deux petits signes, tout près l'un de l'autre, sur le côté gauche du cou, qui avaient déjà été mentionnés sur les affiches expédiées à York. En terminant, Miss Garth exprimait la crainte que les soupçons de Mrs. LeCount ne se trouvassent en définitive que trop bien fondés. Mais tant qu'il resterait la plus faible chance que la direction du complot pût être légitimement attribuée à un étranger, la reconnaissance de Miss Garth pour les ménagements gardés par Mr. Noel Vanstone l'obligeait à lui prêter aide dans toutes les poursuites légales qu'il devait instituer, ce cas échéant. C'est pourquoi elle insérait dans sa lettre le démenti formel, qu'au besoin elle répéterait en personne, d'une identité quelconque entre elle et la personne travestie qui avait osé faire usage de son nom. C'était bien elle, Miss Garth, qui avait occupé l'emploi d'institutrice chez feu Mr. André Vanstone, et jamais de sa vie elle n'avait même approché les environs de Vauxhall Walk. Ce désaveu et les ferventes assurances données par Miss Garth qu'elle était disposée à faire pour Magdalene tout ce que la sœur de celle-ci ferait elle-même si elle fût restée en Angleterre, formait la conclusion de la lettre. Elle était signée par nom et prénom et datée avec le soin, l'exactitude qui, en pareille matière, assimilait Miss Garth à l'homme d'affaires le plus expert. Cette lettre mettait une arme formidable aux mains de la femme de charge. Elle fournissait le moyen d'établir l'identité de Miss Bygrave grâce à l'intervention officielle d'un avocat. Elle contenait une description personnelle assez minutieuse pour qu'on pût en tirer parti, s'il le fallait, avant l'arrivée de Mr. Pendrill. Elle apportait une dénonciation de la prétendue Miss Garth, écrite et signée par la véritable Miss Garth. Elle établissait enfin que la dernière lettre écrite par Miss Vanstone, la cadette, à sa sœur aînée, avait été mise à la poste et par conséquent écrite, selon toute probabilité, dans le voisinage de Vauxhall Walk. Si une autre lettre eût été reçue postérieurement, revêtue du timbre d'Aldborough, l'enchaînement des preuves, en tant qu'il s'agissait d'établir la succession de résidence, aurait pu sans doute être plus complet. Mais tel qu'il était, il devait suffire, corroboré au besoin par ce morceau de la robe d'alpaga que Mrs. LeCount avait conservé en sa possession, pour soulever le voile derrière lequel la conspiration est étourdie, et pour placer Mr. Noel Vanstone en face d'une vérité bien claire et bien frappante. L'unique obstacle qui désormais empêcha la femme de charge d'agir immédiatement provenait de ce que Miss Bygrave demeurait enfermée dans une solitude inaccessible. Avant de s'adresser à Mr. Pendrill, la question était de savoir si l'on ne pourrait pas pénétrer jusqu'à elle. Mrs. LeCount n'hésita pas à mettre son chapeau pour se rendre immédiatement à North Shingles et s'assurer, avant l'heure du courrier, de tout ce qu'elle pourrait y découvrir par elle-même. Cette fois, Mr. Bygrave était au logis. Elle fut admise auprès de lui sans la moindre difficulté. De mûres réflexions, faites le matin même, avaient décidé le capitaine Raig à précipiter quelque peu la crise imminente. Les moyens qu'il comptait employer pour en arriver là lui faisaient une nécessité de voir séparément la femme de charge et son maître. Il voulait, en effet, les mettre en complet désaccord l'un avec l'autre, en produisant sur leur esprit, par rapport à lui-même, deux impressions absolument contraires. La visite de Mrs. LeCount, par conséquent, au lieu de lui causer le moindre embarras, réalisait au contraire le plus cher de ses vœux. Il la reçut dans le salon, avec une réserve marquée qui devait la surprendre et la surprit en effet. Le gracieux sourire du capitaine et son engageante familiarité avaient fait place à une contenance solennelle, à un masque impénétrable. Je me permets de vous importuner, monsieur, dit Mrs. LeCount, pour vous exprimer le regret que nous cause, à mon maître et à moi, le fâcheux état de Miss Bygrave. Est-ce qu'il ne s'améliore pas quelque peu ? Non, madame, répondit le capitaine aussi laconiquement que possible. Ma nièce n'est pas mieux portante. Je suis, monsieur Bygrave, assez expérimenté dans le métier de garde-malade. Si je pouvais vous être utile. Mille grâces, monsieur LeCount, nous n'avons pas pour le moment à profiter de votre bonté. Cette réponse, si nette, fut suivie d'un silence qui dura quelques instants. La femme de charge se sentait un peu perplexe. Qu'était devenue la courtoisie raffinée de Mr. Bygrave et son interminable phraséologie ? Aurait-il formé le projet de la blesser ? S'il en était ainsi, Mrs. LeCount se promettait bien de ne pas permettre qu'il en vînt à bout. Pourrais-je savoir quelle est la nature de la maladie ? Continua-t-elle. J'espère bien que notre excursion à Dunwich n'est absolument pour rien. Je vous le dis à regret, madame, répondit le capitaine. Le mal a débuté par cet accès névralgique dont vous avez été témoin dans la voiture. Allons donc, pensa Mrs. LeCount. Il n'essaie même pas de me faire croire à la réalité de la maladie. Dès le début, il jette le masque. S'agit-il donc, monsieur, d'une maladie nerveuse ? Ajouta-t-elle à voix haute. Le capitaine répondit par un geste de tête affirmatif et solennel. Vous avez donc alors dans la maison, monsieur Bygrave, deux personnes atteintes de névralgie. Oui, madame, deux, ma femme et ma nièce. C'est, en fait de malheur, une coïncidence assez bizarre. Vous l'avez dit, madame, tout à fait bizarre. Bien que Mrs. LeCount fût déterminée à ne se point formaliser, l'exaspérante insensibilité du capitaine Raig à tous les coups qu'elle lui portait finit par la troubler un peu. Elle eut quelque peine à retrouver toute son égalité d'âme avant de reprendre le cours de la conversation. « N'y a-t-il donc, recommença-t-elle, aucun espoir immédiat que Miss Bygrave puisse quitter son appartement ?»« Pas le moindre espoir, madame. »« Vous êtes content, je suppose, du médecin qui la traite ?»« Je n'ai pas appelé de médecin, » dit le capitaine avec sang-froid. « Je surveille moi-même le traitement. » Le venin qui s'accumulait chez Mrs. LeCount s'enfla tout à coup à cette réponse et déborda de ses lèvres. « La teinture générale de la science que vous possédez, monsieur, » dit-elle avec un mauvais sourire, « implique, je présume, une teinture d'art médical. »« Comme vous dites, madame, » répondit le capitaine, sans que son visage ou ses gestes trahissent la moindre émotion. « Je suis médecin au même titre que je suis savant. » Le ton sur lequel ces paroles furent prononcées ne laissait qu'une issue à la dignité de Mrs. LeCount. Elle se leva pour terminer l'entretien. Mais la tentation du moment se trouva trop forte pour elle. Il lui fut impossible de quitter le capitaine Raig sans le laisser sous le coup de quelques vagues menaces. « Je remets, monsieur, lui dit-elle, les remerciements que je vous dois pour votre accueil au jour où je pourrai payer effectivement la dette qu'il m'a fait contracter. » D'ici là, je suis heureuse de penser, vu l'absence de tout médecin, que la maladie de Miss Bygrave n'a pas, à beaucoup près, la gravité que je lui supposais en venant ici. Jamais je ne contredis une dame, répliqua l'incorrigible capitaine. Si c'est votre bon plaisir, à notre prochaine rencontre, de croire que ma nièce est parfaitement rétablie, je m'inclinerai avec résignation devant cet arrêt infaillible. Il suivit à ces mots la femme de charge dans le corridor et lui ouvrit poliment la porte de la rue. « Je marque la levée, madame, » se disait-il à lui-même en refermant cette porte. « L'atout que vous avez en main est une entrevue avec ma nièce. J'aurais bien soin que vous ne puissiez le jouer. » Il rentra au salon pour y attendre avec calme l'incident qui, selon toute probabilité, allait maintenant se produire, à savoir une visite du maître de Mrs. LeCount. En moins d'une heure, les pressentiments du capitaine Raig se trouvèrent justifiés. Mr. Noel Vanstone fut introduit. « Ah, mon cher voisin !» s'écria le capitaine, s'emparant amicalement d'une main que son hôte lui abandonnait à regret. « Je sais ce qui vous amène. Mrs. LeCount vous a raconté la visite qu'elle vient de nous faire, et vous aura sans doute dénoncé la maladie de ma nièce comme un subterfuge pur et simple. Vous êtes surpris, vous êtes blessé, vous me soupçonnez de jouer avec vos meilleures sympathies, bref, vous demandez une explication. » « Vous y avez droit, elle vous sera donnée. Prenez un siège, monsieur Vanstone. Je vais m'en remettre absolument à votre bon sens, à votre jugement d'homme du monde. Je reconnais, monsieur, que nous sommes dans une position fausse, et je vous le dis sans préambule, je vous le dis sans marchander. C'est votre femme de charge qui en est la cause. » Pour la première fois de sa vie, Mr. Noel Vanstone ouvrit de grands yeux. « Le Count ? » s'écria-t-il au comble de la surprise. « Elle-même, monsieur, » répondit le capitaine Raig. « Je crains d'avoir offensé Mrs. Le Count lorsqu'il est venu ce matin, faute d'avoir mis assez de cordialité dans mon accueil. Je suis un homme tout uni, moi, et ne sais point me parer de dehors contraire à mes sentiments. Loin de moi l'idée de porter la moindre atteinte à la réputation de votre femme de charge. C'est, je n'en doute nullement, une femme excellente et très digne de confiance. Elle a pourtant un sérieux défaut, qui lui est commun avec les personnes de son âge et placée dans une situation comme la sienne. Elle est jalouse de son influence sur son maître, bien que peut-être vous ne vous en soyez pas aperçu. Je vous demande bien pardon, interrompit Mr. Noel Vanstone. Je suis un observateur remarquablement subtil, rien ne m'échappe. En ce cas, monsieur, reprit le capitaine, vous n'aurez pas manqué de remarquer que dans sa conduite à l'égard de ma nièce, Mrs. LeCount s'est laissée diriger par la jalousie dont je vous parlais. Mr. Noel Vanstone se rappela le duel domestique survenu entre Mrs. LeCount et lui, après le départ des hôtes qui étaient venus passer la soirée à Sea View, et ne vit pas trop bien, tout d'abord, ce qu'il avait à répondre. Il exprima la plus grande surprise, le plus grand regret. Il estimait que LeCount, pendant la course à Dunwich, avait fait son possible pour se rendre agréable. Il espérait, il était certain qu'il y avait dans tout ceci quelque fâcheux malentendu. « Prétendriez-vous dire, monsieur, poursuivit le capitaine avec une certaine sévérité, que vous n'avez pas vous-même remarqué cette circonstance ? En tant qu'homme honorable et subtil observateur, vous ne sauriez hasarder une pareille assertion. La politesse superficielle de votre femme de charge n'a pas suffisamment dissimulé ses sentiments réels. Ma nièce les a démêlés. Vous les avez démêlés, et moi tout de même. Ma nièce, Mr. Vanstone, est une jeune fille très délicate et très susceptible. Elle refuse positivement de cultiver à l'avenir la société de Mrs. LeCount. N'allez pas vous méprendre sur ce que je vous dis là. Pour ma nièce, comme pour moi, Monsieur Vanstone, l'attrait de votre société demeure le même. Miss Bygrave se refuse simplement à devenir une pomme de discorde. Cette allusion classique ne vous effarouche pas. Une pomme de discorde jetée dans votre intérieur. En ceci, je crois qu'elle a raison. Et je vous avouerai franchement que j'ai transformé en maladie sérieuse une affection de nerfs dont elle souffre bien réellement, sans autre motif que d'empêcher provisoirement ces deux dames de se rencontrer tous les jours sur le champ de parade et d'en rapporter, soit chez vous, soit chez moi, des impressions désagréables. Chez moi, remarqua Mr. Noel Vanstone, je ne souffre rien de désagréable, je suis le maître. Vous avez déjà dû le remarquer, monsieur Bygrave, je suis le maître chez moi. Pas le moindre doute là-dessus, mon cher monsieur. Mais vivre du matin au soir, dans l'exercice continuel de l'autorité qu'on a, c'est mener plutôt l'existence d'un gouverneur de prison que celle d'un chef de famille. On s'use, monsieur, pensez bien à ceci, on s'use à cet ingrat métier. Ah, c'est ainsi que vous envisagez la chose ? Dit Mr. Noel Vanstone, adouci par le prompt assentiment du capitaine Raig à sa profession de foi despotique. Peut-être bien n'avez-vous point tort, mais il faut que j'avise immédiatement. Je ne veux pas qu'on me déconsidère. Je renverrai les camps sans la moindre hésitation plutôt que de me voir déconsidéré. Son teint s'animait, et d'un air farouche il croisa ses petits bras. Les explications habilement irritantes du capitaine Raig avaient éveillé en lui ce soupçon latent de l'influence exercée sur lui par sa femme de charge, qui de temps à autre lui causait quelque inquiétude, et à qui, cette fois, l'absence de Mrs. LeCount enlevait son calme ordinaire. « Que va penser de moi Miss Bygrave ? » s'écria-t-il avec un soudain élan de dépit. « Je vais renvoyer LeCount. Dieu me donne, je vais la faire partir immédiatement. Non, non, non !» dit le capitaine, dont l'intérêt n'était point de pousser Mrs. LeCount dans ses derniers retranchements. « Pourquoi des mesures de violence quand la douceur peut suffire ? Mrs. LeCount est à votre service depuis longtemps. Mrs. LeCount, vous êtes attachée, vous êtes utile. » Elle a ce petit défaut de jalousie qui tient à sa position domestique auprès d'un maître célibataire. Elle vous voit témoignant une attention courtoise à une jeune et jolie femme. Elle voit cette belle personne flattée, comme elle doit l'être, des égards que vous lui témoignez. Et, pauvre femme, elle en perd patience. À ceci, quel remède? Il faut l'humaniser. Il faut faire une concession virile à la faiblesse du sexe. Si Mrs. LeCount est avec vous la première fois que nous nous rencontrerons sur le champ de parade, prenez de l'autre côté. Si Mrs. LeCount n'est pas avec vous, accordez-nous le plaisir de votre compagnie. Bref, mon cher monsieur, essayez du « suaviter in modo », comme nous disons nos autres classiques, afin de vous risquer dans le « fortiter in re ». Il y avait une excellente raison pour que Mr. Noel Vanstone accepta les conciliantes invitations du capitaine Raig. Une rupture ouverte avec Mrs. LeCount, alors même qu'il aurait pu trouver le courage de l'aborder en face, impliquait la nécessité de reconnaître les droits qu'elle avait, en vertu de ses longs services, soit chez son père, soit chez lui, à ce qu'on lui assurât un avenir. Or, la sordide nature de Mr. Noel Vanstone faiblissait devant la simple idée de traduire en argent comptant ses sentiments de reconnaissance. Aussi, après un étalage d'hésitation qui avait pour but de sauver les apparences, il adopta les suggestions du capitaine et consentit à humaniser Mrs. LeCount. Après tout, continua Mr. Noel Vanstone, il faut en cette matière avoir égard à ma position. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur le véritable sens des concessions que je puis faire à LeCount. Miss Bygrave ne doit pas conserver l'idée que j'ai peur de ma femme de charge. Le capitaine déclara qu'aucune pensée de ce genre n'était jamais entrée et ne pouvait jamais entrer dans la tête de Miss Bygrave. Mr. Noel Vanstone n'en revint pas moins sur ce sujet à plusieurs reprises, avec son obstination accoutumée. Serait-il indiscret de solliciter un entretien où il pût éclairer là-dessus Miss Bygrave? Pouvait-il espérer qu'on aurait le bonheur de la voir ce jour même, sinon ce jour-là, le jour suivant, sinon le lendemain, le surlendemain? Le capitaine Raig répondit en prenant ses précautions. Il sentait l'importance de ne pas exciter les méfiances de Noel Vanstone par un trop grand empressement à combler ses vœux. Il ne faut pas songer, mon cher monsieur, à la voir aujourd'hui. Elle n'est pas assez bien remise. Elle a besoin de repos. Je me propose de la faire sortir demain, avant la chaleur, non seulement pour éviter l'embarras provenant de sa situation à l'égard de Mrs. LeCount, mais aussi parce que l'air du matin, le calme du matin, sont excellents pour ses maladies nerveuses. Nous nous mettrons en route à 7 heures. Si vous êtes comme nous, et s'il vous plaisait de venir nous rejoindre, je n'ai pas besoin de vous dire que nous n'avons aucune objection à vous voir entière dans notre promenade du matin. L'heure, je le sais, est exceptionnelle, mais plus tard ma nièce peut avoir besoin de se reposer sur sa chaise longue et se trouver hors d'état de recevoir des visites. Après avoir fait cette proposition, simplement pour permettre à Mr. Noel Vanstone de venir furtivement à North Shingles de bon matin, et alors que sa femme de charge serait très probablement encore au lit, le capitaine Raig le laissa libre d'accepter, aussi indirectement qu'il avait été donné, cette espèce de rendez-vous. Le petit homme fut assez fin, il le devenait toutes les fois que son égoïsme était en jeu, pour comprendre à demi-mot et rendre l'engagement réciproque en acceptant sans retard la proposition. Ensuite, il se leva pour prendre congé. « Un mot avant de nous quitter, » dit le capitaine Raig. « Cette conversation est tout à fait entre nous. Mrs. LeCount ne doit rien savoir de l'impression qu'elle a produite sur ma nièce. Je ne vous en ai parlé que pour vous expliquer la brutalité apparente de ma conduite et satisfaire là-dessus vos légitimes susceptibilités. Tout ceci, Monsieur Vanstone, sous le sceau du secret, très strictement sous le sceau du secret. Et bien le bonjour. » Ce fut avec ces paroles d'adieu, accompagnées de maintes révérences, que le capitaine reconduisit son visiteur. Sauf quelques désastres inattendus, il voyait maintenant par quels moyens son entreprise devait infailliblement réussir. Dans le cours de cette matinée, il avait obtenu 2 résultats essentiels. D'abord, en semant entre la femme de charge et son maître un germe de mécontentement réciproque. Puis, en associant Mr. Noel Vanstone avec Magdalene et lui, un secret dont Mrs. LeCount serait exclue. « Nous tenons maintenant le petit homme, pensait le capitaine Raig en se frottant joyeusement les mains. « Je crois bien qu'il est à nous, désormais. » En quittant North Shingles, Mr. Noel Vanstone rentra immédiatement chez lui, pleinement rendu au sentiment de sa propre valeur et fermement décidé à mener les choses haut la main s'il se trouvait en désaccord avec Mrs. LeCount. La femme de charge vint recevoir son maître à la porte avec ses plus douces façons et son sourire le plus insinuant. Elle lui parlait les yeux baissés, opposant aux proclamations d'indépendance qu'il avait projetées une barrière d'impénétrable respect. « Puis-je me permettre de vous demander, monsieur, commença-t-elle, si votre visite à North Shingles vous a fait envisager la maladie de Miss Bygrave comme il m'a semblé qu'elle devait être envisagée ?»« Pas le moins du monde, LeCount. J'estime que vos conclusions ont été tout à la fois précipitées et faussées par un préjugé malveillant. Désolé, monsieur, que vous pensiez ainsi. J'ai été froissé, j'en conviens, par le grossier accueil de Mr. Bygrave. » Mais je ne me doutais pas que mon jugement en eût été perverti à ce point. Peut-être, monsieur, vous a-t-il reçu, vous, avec un empressement plus chaleureux. Il m'a reçu en vrai gentleman. C'est tout ce qu'il me semble convenir de dire là-dessus, LeCount. Il m'a reçu en vrai gentleman. Cette réponse éclaira Mrs. LeCount sur l'unique point qui lui laissa quelques doutes. Tel sens qu'il fallut attribuer au soudain refroidissement de Mr. Bygrave vis-à-vis d'elle. L'accueil poli qu'il avait fait à son maître indiquait assez que le risque d'être découvert ne l'avait pas fait renoncer à ses projets et que la marche du complot n'en était pas ralentie. Les yeux de la femme de charge brillèrent plus vifs que jamais quand elle vit ses pressentiments ainsi justifiés. Après un moment de réflexion, elle soumit son maître à un nouvel interrogatoire. « Vous comptez sans doute, monsieur, revoir notre voisin, le capitaine ?»« Je le reverrai, naturellement, si cela me convient. » Peut-être aussi rendrez-vous visite à Miss Bygrave si elle vient à se rétablir. Pourquoi non? Je voudrais bien savoir ce qui m'en empêcherait. Me faudrait-il par hasard, LeCount, votre autorisation préalable? En aucune façon, monsieur. Comme vous le dites souvent, et je n'ai jamais manqué d'en tomber d'accord, il n'y a ici d'autre maître que vous. Cependant, monsieur Noël, et si surprenante que la chose vous puisse paraître, j'aurais quelques raisons particulières pour souhaiter que vous revissiez Miss Bygrave. » Mr. Noël tressaillit légèrement et regarda sa femme de charge avec une certaine curiosité. « J'ai une singulière fantaisie à propos de cette jeune personne, » continua Mrs. LeCount. « Si vous voulez bien me la pardonner et vous prêter à la satisfaire, vous me rendriez un service dont je vous serais fort reconnaissante. » « Une fantaisie, » répéta son maître, dont la surprise allait croissant. « Quelle fantaisie se peut-il être ?»« Rien que ceci, monsieur, » dit Mrs. LeCount. Elle tira d'une des petites poches de son élégant tablier un fragment de papier, soigneusement plié, de manière à occuper le moins d'espace possible, et le déposa respectueusement dans la main de Noel Vanstone. « Si vous voulez obliger à jamais une ancienne et fidèle domestique, » dit-elle ensuite d'un ton très calme, mais de manière à produire une vive impression. « Vous serez assez bon, monsieur Noël, pour placer ce bout de papier dans la poche de votre gilet. Vous ne l'ouvrirez pour le lire que lorsque vous vous retrouverez, à la prochaine occasion, en face de Miss Bygrave. D'ici là, vous ne direz âme qui vive ce qui vient de se passer entre nous. Je m'engage, monsieur, à vous expliquer cette singulière requête quand vous aurez fait ce que je vous demande et à l'issue de votre prochaine entrevue avec Miss Bygrave. » Elle lui fit là-dessus sa plus gracieuse révérence et quitta paisiblement la pièce. Noel Vanstone portait successivement ses regards du papier plié vers la porte et de la porte sur le petit pli, avec une surprise impossible à écrire. Un mystère dans sa propre maison, à son nez et à sa barbe, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Cela signifiait que Mrs. LeCount, dans cette matinée, n'avait pas perdu son temps. Tandis que le capitaine, à North Shingles, enveloppait de ses filets le crédule visiteur, la femme de charge minait assidûment le sol sous les pieds de son adversaire. Le petit pli ne renfermait rien de moins qu'un extrait, bien lisiblement écrit, du signalement de Magdalene tel qu'il était donné dans la lettre de Miss Garth. Avec une subtilité audacieuse que le capitaine Raig lui-même eût pu lui envier, Mrs. LeCount allait employer pour dévoiler le complot, et sans que celui-ci s'en doutât, l'individu même qui devait en être victime.